et AMG John Dakarki. Lomet Louis, das 15 Barki. Doc 17, 18 Barki. Management zegt Benny Barki. Mannen praten veel, maar weten wie is wie. Pull up in die turbo diesel TDI. Mola moest ik zitten van je MPD. Die man kie, want die wie is wie. Ik zet die cicatrice, noem je Ribéry. Ik kom in je osso, geen Airbnb. Ik ben op pakketten net op TNT. Ik hoor D&D, zeg me wie is wie. Mannen komen vies, pull up met die tonen vies. Kom binnen in je zaak, pak je winst en je verlies. Mannen komen vies en ze praten met police. Zeg ze mij een lies, zoeken mij maar mijn dish. Zeker nu Mola Montana. Ik kom in Dolce Cabana. Ik kom meteen met die lama. Ik kom alleen zo die drama. Montana, Dolce Cabana. Meteen met die lama. Ga mij alleen met die drama. Montana, Dolce Cabana. Meteen met die lama, ga mij alleen met die drama. Reste tranquille fils, kilo voor 36. Et les bâtards qui me pissent, ik ben een boer fuck peace. Faites la fête à Marbella, j'suis en route en Algérie. La plus à la vanille, elle vient de l'Andie. La bombe est prête, et que je suis comme les autres, et que je suis comme les autres. Depuis 2J, l'avenir ou le J, fais tirer 2B, je vais te mettre 2 gifles. Je suis avec mon labé, tu nous auras pas, je fume le calumet de la paix. On fait tes bêtes dans l'appart, ça joue les épiquignons, ça va dégainer. Ça fait la mafia, ça finit comme béné. À FIFA, je mets pas les amis, c'est pour les rainés. Je vais te mettre Fanny, tu vas l'embrasser. Quand je rappe, la haine monte, je nique tout. J'ai des choses à dire, alors je me lâche vite tout. J'entends le Giro depuis tout à l'heure qui tourne. Un 3 Marseille me demande plus j'habite. Ce que j'aime, je donne tout, donne tout. Il me scanne, il me dure, faut que je l'envoie en touche. On s'en fout du buzz, si tu veux, prends tout. Je fais mon album, je règle mes blèmes, je suis dans tout. Je prends pas la grosse tête, je veux être connu au steak. Je rappe au quartier, je finis en poster. Sur la canibère, je peux en être fier. Jaloux, pas de fer, je sais que tu m'attends fort. Des fois, y'a pas le choix, c'est la guerre ou la paix. Tu finis bandolero, demande à Moulabé. Des fois, ça va pas, ouais, je fume la Mouladé. Cartes sensibles qui ont connu la D. Reste tranquille, fils. Kilo faut 36. Et les bâtards qui me pissent, ils ben un gros fuck peace. Faites la fête à Marbella, j'suis en route en Algérie. La plus à la vanille, elle vient de l'Andie.